d'Ouimane. Merci d'être avec nous dans ce journal et voici les grands titres. Des organisations œuvrant dans le secteur médiatique ont signé ce mercredi à Gitega un accord visant l'opérationnalisation du réseau des radios communautaires du Burundi. Les buffles du parc de la Ruvu ravagent les champs de haricots et de patates douces dans les environs de ce parc. Jean-Marie Mayonga se trouve là pour nous. Il nous décrira la situation. Certains endroits de la municipalité de Bujumbura ont été transformés en lieux d'aisance pour les passants. Des citadins demandent à l'État de sévir contre ce manque de civisme. Voilà pour le sommaire. Signature ce mercredi à Gitega d'un accord visant l'opérationnalisation du réseau des radios communautaires du Burundi par les organisations œuvrant dans le secteur médiatique au pays. Cet accord fera que les auditeurs des radios communautaires aient plus de confiance en elles, indique un des cadres de ces organisations médiatiques. Le responsable du réseau des radios communautaires du Burundi, quant à lui, se dit satisfait de ce pas franchi. Gérard Nibigira. Selon Tadenziga Masabo, secrétaire exécutif de l'Association burundaise des radiodiffuseurs, ABR, la signature de cet accord fera que la population qui écoute ces radios communautaires en ait plus de confiance. Le réseau des radios communautaires existait déjà, mais c'était presque en papier. Mais nous venons de mettre sur place un cadre légal. On a essayé de définir le champ d'action d'une radio communautaire et comment chaque radio communautaire peut travailler pour que la population s'approprie de cette radio. La population aussi qui les écoute va avoir plus de confiance parce qu'on avait l'habitude de dire que les radios communautaires ne peuvent pas être à la même hauteur que la radio nationale. À partir de maintenant, vous êtes de la même famille. Il ajoutait que cet accord facilitera aux radios communautaires d'obtenir des fonds. Cet accord va nous permettre aussi de mobiliser les bailleurs de fonds pour que les radios communautaires bénéficient aussi des financements et des projets au même titre que les autres radios qui ne sont pas communautaires. À partir de maintenant, tous les projets, que ce soit les projets du système des Nations Unies ou du ministère ou du CNC, les radios communautaires seront traitées au même titre d'égalité que les autres radios qui sont au Burundi. De son côté, le responsable du réseau des radios communautaires du Burundi, Jean-Mitterrand Ndayegamie, se dit satisfait de ce pas affranchi dans le domaine des radios communautaires au Burundi. Avant, on demandait des appuis aux partenaires, mais ils considéraient des radios communautaires comme de petites radios qui ne contribuent en rien. Et je dirais que avec la signature de cet accord, nous allons cette fois-ci être sur terrain avec le parrainage de l'ABR et de la Maison de la Presse, bénéficier de l'accompagnement financier et technique pour bien accomplir notre mission. Donc, je dirais alors que c'est un sentiment de satisfaction de ce pas franchi dans le paysage médiatique burundais et surtout dans le domaine des radios communautaires au Burundi. Ces propos ont été tenus ce mercredi à Gitega à la fin d'un atelier de 3 jours de production et validation d'un accord cadre d'appui de l'ABR et de la Maison de la Presse visant à l'opérationnalisation des réseaux des radios communautaires du Burundi. Depuis Gitega, Jehani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Les Burundais sont appelés à privilégier la primauté du droit et le respect de la chose publique. Appel lancé ce mercredi par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, dans un atelier. Gabriel Ouftiri estime que le développement n'est possible que sous cette condition. Suivez-le. Nous sommes en train d'organiser plusieurs activités, dont cette activité qui concerne la primauté du droit et le respect de la chose publique. Pour nous, c'est important parce que nous voyons, par exemple, en citant l'article 69 de la Constitution, qui stipule que un bien public est sacré et inviolable. Tout citoyen est appelé à protéger la chose publique. Ça, c'est un article de la Constitution burundaise sur base duquel on s'appuie pour exiger que la chose publique soit respectée. Mais il y en a d'autres lois qui sont là, qui nous incitent à respecter la chose publique. Ici, je citerai par exemple la loi du 18 avril 2006. Par ailleurs aussi, la Constitution burundaise, à son article 95, qui stipule que les mandataires publics et les cadres de l'État doivent déclarer patrimoine en déjà 30 jours, par ailleurs en déjà 15 jours. La loi, si elle n'est pas respectée, ça sera très difficile que les choses puissent avancer normalement. Si réellement nous parlons de la primauté du droit, c'est-à-dire que c'est la loi qui est au-dessus et tout le monde est en dessous de la loi. Est-ce que réellement c'est ce que nous constatons, nous les citoyens? Luendola. Si tel ne serait pas le cas, ça sera très difficile que même les projets, les programmes, les bons programmes et la très belle vision des chefs de l'État d'offrir au Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060, ça sera vraiment une utopie. Mais je suis convaincu que si tous les citoyens, comme par ailleurs la Constitution à son article 69 nous le demande, nous pensons que si nous tous nous y mettons, on pourrait y arriver. Mais on doit vraiment fournir beaucoup d'efforts. À commencer par les mandataires et serviteurs publics. Parce qu'on les appelle les serviteurs publics. Donc, moi, je pense que nous tous, nous sommes appelés à protéger la chose publique. Gabriel Ufsiri, président de l'Olucom. Des endroits divers de la municipalité de Bujumbura sont caractérisés par une insalubrité notoire, comme a pu le constater notre reporter. Il y en a même qui ont été transformés en lieux d'aisance pour les passants. Les citadins rencontrés sur place demandent à l'État de sanctionner sévèrement son manque de civisme. Reportage de Clovis Niyonguru, stagiaire à notre station. Arrivé à la passerelle située au boulevard de l'Iprona, l'on est accueilli par des odeurs nauséabondes. La place en dessous de cette jolie passerelle est devenu comme un lieu d'aisance, comme l'on a constaté. Des individus trouvés sur place qui ont requis l'anonymat expliquent que cette situation est causée par les enfants de la rue qui ont transformé cet endroit en lieu d'aisance. Je veux dire que ça a été causé beaucoup par ces enfants de la rue. C'est ces enfants de la rue qui mettent quelque chose ici dans notre endroit. Nous travaillons pour que ces enfants, on les chasse ici dans la rue. Il faut quand même construire donc des écoles qui vont les former comme ils vont les former dans des métiers pour qu'ils puissent les enlever ici dans la rue. Ces habitants de la mairie de Bujumbura ne comprennent pas pourquoi ces enfants en situation de rue ne sont pas dégagés de la ville pour éviter cette situation. Au Palais des Arts, en face de la chaussée du Prince Louis Gwagasole, la situation est similaire où les extraits humains jonchent cet endroit. Les taximènes trouvés sur place prouvent que les enfants en situation de rue sont aussi à l'origine de cette insalubrité. Même au parking des minibus qui assure le transport vers le sud de la capitale économique Bujumbura, les immondices sont éparpillés au bord de la route alors qu'ils devraient être déposés dans les poubelles publiques. Cette insalubrité est toujours observée dans le centre-ville alors que les autorités municipales ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 22 000 restes humains, tel est le bilan des exhumations des victimes de guerre de 1972. Selon les enquêtes menées par la Commission Vérité et Réconciliation pour la période 2018 à 2022, le président de cette commission qui l'annonce demande à la population de ne plus avoir peur de dire la vérité, mais de la défendre et d'éviter l'hypocrisie. Pierre Claver Naïcharié était dans la province de Makamba ce mercredi pour une communication sur les réalisations de la CVR. Élisée Cuisera. Au cours de cette communication que la Commission Vérité et Réconciliation a animée à l'endroit de la population de la province de Makamba, le président de cette commission, ambassadeur Pierre Claver Ndaïcharié, a exposé ses réalisations depuis 2018 à 2022. Selon le bilan des enquêtes menées par la dite commission dans cette période déjà citée, plus de 22 000 restes humains sur les meurtres commis en 1972 ont été exhumés dans plus de 200 fosses communes dans les différentes provinces du pays. Le président de cette commission a demandé à la population de ne plus avoir peur de dire la vérité et d'éviter d'être des hypocrites, car chaque fois que les Burundais ont peur de dire la vérité, ont rencontré des problèmes meurtriers à leur vie et sans rien dire. Il a invité cette population de craindre le mensonge, défendre la vérité et l'enseigner pour leur intérêt et de leurs enfants. C'était lors de la communication de ce mercredi que cette commission a tenu à l'endroit de la population de la province de Makamba. Depuis Makamba, Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, les buffles du parc de la Ruvubu ravagent les champs de haricots et de patates douces. Dans les environs de ce parc, les habitants de la localité craignent de mourir de faim et demandent aux responsables de ce parc de tout faire pour construire une clôture afin de réduire les dégâts. Marc Ngondinhuari, responsable de cette aire protégée, dit en être conscient, mais déplore le manque de moyens financiers. Un reportage de Jean-Marie Mayong. Ces buffles qui ravagent les champs de culture sortaient le plus souvent du parc national de la Rovobo à la recherche des herbes à brouter et peuvent être au nombre de 3 ou même 4 avec leurs petits. Comme le signale la population qui habite près du parc national de la Rovobo, leurs champs de maïs, de haricots et même de patates douces sont menacés par ces buffles. Ils disent qu'ils vont mourir de faim parce qu'ils ne trouvent pas de quoi manger et à nourrir à leur famille à cause de ces animaux qui ne laissent rien à leur passage dans leur champ. Ces habitants demandent aux responsables de ce parc de tout faire pour éviter que ces buffles continuent à ravager leur champ et ils proposent, si possible, de construire une clôture métallique parce que ces buffles sortent comme ils veulent à la recherche des herbes parce que ce parc n'est pas bien clôturé. Marc Bakundinhuari, responsable du parc national de la Rovobo, signale qu'ils sont au courant de cette situation et tranquillise disant qu'ils essaient de tout faire pour retourner dans le parc ces buffles. Pour lui, la meilleure solution est que ce parc soit bien clôturé avec des objets métalliques. Mais le manque de moyens financiers devient un frein pour la construction de cette clôture. Nous éprouvons des difficultés liées à la sortie des animaux, notamment les buffles, les potamouchers et quelquefois les facochers qui quittent le parc de la Rovobo pour aller ravager les champs de la population rivienne. Surtout qu'il manque de l'herbe en sortant. À leur passage, ils ravagent les champs de la population, ce qui ennuie la population rivienne de la Rovobo. Pour faire face à ce problème, au niveau de la Rovobo, il y a les de gestion que nous brûlons pendant le mois de juin, au début juin, juillet et au mois de janvier à février pour limiter la sortie de ces animaux. Mais aussi, nous proposons que, par ailleurs, il est prévu au niveau du plan de gestion et d'aménagement du parc de la Rovobo, que le parc soit clôturé. Ça sera une solution de limiter ou d'empêcher la sortie de ces animaux. Avec une superficie de 5800 hectares, le parc national de la Rovobo s'étend sur 4 provinces, à savoir Muyinga, Karusi, Ruyigi et Changuzo. Jean-Marie Mayonga, environ 3000 élèves de la 9e année en province Mwaro se préparent au concours national donnant accès au palier poste fondamental de l'enseignement au Burundi. Le directeur provincial de l'enseignement dit que les élèves sont en train de faire la révision des cours. Il demande aux enseignants et aux élèves de bien préparer cette épreuve afin d'avancer par rapport à la 12e place que cette province a occupée l'année dernière au niveau national. Correspondance de Laurent Dikouliou. Au moment où le concours national pour les élèves de la 9e année est prévu à partir de la semaine prochaine, 3001 élèves de la 9e en province Mwaro se préparent à passer ce concours. Selon Omer Barandaguié, directeur provincial de l'enseignement à Mwaro, dit que pour le moment, les programmes des cours sont terminés. Il précise que les élèves, aidés par leurs enseignants, sont en train de faire la révision des cours et l'exploitation des épreuves type données. Le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro dit que 21 véhicules, tous des particuliers, nécessaires pour le déplacement des surveillants et des colis sont disponibles et seront loués. Il espère que le carburant sera disponible à la station de Mwaro pour l'approvisionnement de ces véhicules. Omer Barandaguié, DPE en province Mwaro, demande aux responsables administratifs au niveau des communes et des collines de la province Mwaro de vérifier l'état des routes, des pistes et des ponts menant vers les centres où se passera cette épreuve. Aux élèves, le DPE Mwaro leur demande de préparer calmement cette épreuve. Aux enseignants, il leur demande d'être toujours près de leurs apprenants pour les aider dans la révision et l'exploitation des épreuves type, ce qui permettra d'améliorer la place qu'a occupée la province Mwaro l'année dernière, où elle était 12e au niveau de tout le pays, avec un taux de réussite de 88,30%. En province Mwaro, le concours national de cette année se passera dans 38 centres et 125 écoles vont y participer. De Mwaro, Laurent Dikouliou, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Empêcher à quelqu'un ou à un groupe de personnes de libérer la parole peut conduire à des messages haineux, voire des violences de masse. De tels agissements sont le propre des individus autoritaires voulant à tout prix protéger leurs intérêts, comme l'explique le sociologue Patrice Sabougouheva, qui précise encore que s'enfermer, se laisser gagner par la peur et parler avec violence sont quelques-unes des conséquences d'un tel comportement. C'est la chronique Parle Rassure-moi, préparée et présentée par Mireille Kanyang. Quelqu'un qui empêche les autres à parler ne permet pas aux autres de défendre leurs droits, explique Patrice Sabougouheva, sociologue. Les gens qui empêchent les autres à libérer leur parole sont de nature autoritaire. Autoritaire et même totalitaire. Parce que quelqu'un qui vous prend la parole, qui vous empêche de parler, c'est qu'il ne peut pas vous permettre de défendre vos droits. Quelqu'un qui vous prend la parole, qui vous empêche de parler, est prêt à tout prendre et à vous empêcher de défendre vos intérêts. Il vous empêche de parler parce que quand vous parlez, vous revendiquez et vous évoquez la loi qui vous protège et vous énumérez vos intérêts qui sont lésés. Et celui qui sait que quand vous parlez, vous allez dire la vérité qui libère, il vous empêche alors de parler pour ne pas permettre aux gens, au public, de libérer les intérêts et de libérer les autres. La protection des intérêts est à la base d'un tel comportement, poursuit ce sociologue. En fait, c'est cet esprit égocentrique, cet esprit de se voir dans tout, de ne pas voir les autres, de ne pas voir l'intérêt public, de ne pas voir l'intérêt des autres, mais de voir ses propres intérêts, les protéger bec et ongles, quitte à ce que les autres n'arrivent pas à trouver leur part de liberté. Celui-là qui empêche les autres de parler, il est en train de se protéger lui-même et de priver le droit et de priver la liberté et de priver le bien-être aux autres. Parler avec violence lorsque l'on a été empêché de libérer la parole est l'une des conséquences pouvant aboutir même aux violences de masse. Les gens deviennent timides. Les gens se laissent gagner par la peur. Les gens s'enferment. Et à un moment donné, ils restent dans le refoulement parce qu'ils ont peur de parler. Mais à un moment donné, ils vont claquer. Ils vont claquer, c'est là où naissent les révolutions. Parce que quelqu'un qui ne parlait pas, qui a été empêché de parler, à un moment donné, il va parler. Et il va parler cette fois-là avec violence. Donc, pour prévenir la violence, il faut laisser les gens parler et éviter le refoulement des idées, éviter la peur, éviter que les gens soient emprisonnés dans leurs propres pensées. Quand vous partagez la pensée, donc vous amendez les idées des uns et des autres et comme ça, vous trouvez des intérêts communs à défendre ensemble. On défend les intérêts d'un seul individu ou d'un groupe d'individus ou d'une petite communauté et là, les autres communautés, les autres individus vont trouver d'autres façons de se libérer et cette fois-ci, si vous voulez priver la parole, ils vont trouver d'autres moyens de se libérer. Ils vont parler par les armes par exemple. Il ne faut pas se laisser gagner par la peur, il faut toujours insister, conseille Patrice Sabougouheva. L'attitude des gens quand vous interdit la parole, il faut toujours insister. Il ne faut pas se laisser gagner par la peur. Il faut toujours insister, quitte à ce que vous trouvez le moyen de parler, pas aujourd'hui, pas demain, mais restez sur vos gardes et résistez encore, revendiquez la parole, revendiquez toujours jusqu'à ce que vous gagnez, vous ayez la chance de parler, de vous libérer. Il faut dire la vérité à ceux qui tiennent des discours empêchant les autres de libérer la parole, dit-il. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.